Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatial, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyon-Wendisillon, un territoire non cédé, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Bonsoir Mathilde. Salut Christelle, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Vraiment très bien aujourd'hui. Ben encore mieux parce qu'on a une superbe émission. On va être rejointe en studio puis accompagnée par de multiples personnes, des parcours variés artistiques. C'est une émission vraiment diversifiée et riche ce soir. Exactement. On commence ce soir avec Anne-Sophie Homer, qui est directrice générale d'Engram, qui vient nous parler de tous les ateliers offerts par les artistes aux artistes de la communauté pour ce printemps à Engram, dans le fond. Et on va continuer ensuite avec une entrevue que tu as réalisée samedi dernier avec l'artiste Marie-Claude Gendron, qui, dans le fond, faisait une performance de très, très longue durée. Fait encore. Elle performe en ce moment jusqu'à 19h. Ah, mon Dieu, je ne savais plus si c'était encore cette semaine. Oui, jusqu'à samedi 23 mars, 19h. OK. Donc, oui, la grande durée. La performance « Faire son lit » qui est exposée au lieu. Oui. Et on va terminer l'émission avec quatre artistes céramistes. Catherine Lebel, Catherine Valois, Maggie Jalbert et Joanne Gauthier qui ont verni en fait deux expositions collectives jeudi dernier. La première, Tremblement, qui est présentée à la galerie Critérium et dans le Silon des Déferlantes et qui est en montre à l'espace culturel du quartier de Saint-Nicolas. Oui, ce sont deux expos qui sont dans le volet satellite de Manif, mais qui sont quand même, qui font partie de la programmation de la Biennale d'art de Québec. Donc, c'est vraiment une superbe opportunité pour ces céramistes-là. Et j'ai très, très hâte de les recevoir. Quatre personnes en même temps en studio, ça va être la fête. Gros party! Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose de découvrir l'album d'Olivier Mador-Millette. Olivier Mador-Millette, c'est un pianiste, un compositeur, un arrangeur qui se démarque surtout comme étant l'un des rares, sinon le seul organiste de jazz du Québec, au Québec. C'est un album qui a été enregistré live au Saint-Angèle. L'album s'intitule « Live au Saint-Angèle ». C'est paru le 15 mars dernier, donc on peut pas faire plus local et plus récent que ça. C'est frais du jour. On écoute la première piste qui s'intitule « Blues for Joes ». Et au retour, on parle avec Anne-Sophie Homer de la programmation des workshops à Engram ce printemps. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro. On écoutait Blues for Joes de l'artiste Olivier Mador-Millette, un artiste de Québec vraiment à découvrir, un album tout frais qui a été enregistré au Saint-Angèle dernièrement. Je suis en studio avec Anne-Sophie Homer. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Christelle, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. C'est vraiment un plaisir de découvrir en fait que t'as animé l'aérospatiale, tu fais partie de cette longue lignée. Alors j'ai pas animé, j'ai été chroniqueuse. Mais c'est encore mieux. Dire pareil, attends. C'est encore mieux, les chroniqueurs, c'est vraiment le sang de l'organisme. Vraiment. Alors, maintenant, tu agis en tant que directrice générale d'Engram. Exactement, oui. Depuis 3 ans maintenant, j'étais aux communications avant, mais là, je suis directrice depuis quelques temps. Ah, donc c'est une histoire d'amour qui dure avec Engram. On ne peut pas se détacher l'un de l'autre. Est-ce que tu voudrais nous présenter un peu cet organisme qui se trouve à être un peu la proue, en fait, le devant de ce grand bateau qu'est Méduse? Oui, exactement. Donc, Engram, en fait, ça fait 50 ans qu'on existe maintenant et on fait partie des 10 centres à l'heure actuelle, des 10 centres d'artistes qui constituent Méduse, la coopérative. Engram est spécialisé dans l'estampe, donc on a toutes les catégories d'estampes, excepté le numérique, donc vraiment gravure classique, sérigraphie, lithographie également. Et puis, comment ça fonctionne? On a évidemment une galerie d'exposition où on propose à peu près 6 expositions par an. Ouais. C'est cette magnifique galerie en verre que tu appelles la proue de Méduse, justement. qui est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur, ouais. Pardon pour la publicité gratuite. Mais on a également, et surtout je dirais, des ateliers collectifs pour les artistes. Donc on a une centaine de membres qui viennent travailler quand ils le souhaitent. Les plus anciens ont même la clé des lieux, et ils peuvent venir travailler le soir, les fins de semaine. Et il leur suffit de réserver les espaces de location pour venir travailler. Et puis c'est un atelier collectif, donc on a des espaces partagés pour que chacun puisse venir travailler tous ensemble et puis en harmonie, je dirais. Voilà. et vous êtes très proche de votre communauté de membres, en fait. C'est pas tous les centres d'artistes qui ont réussi à maintenir cette relation-là et d'entretenir un atelier de production aussi actif, aussi dynamique que le vôtre. C'est pas une tâche qui est mince. Bravo. Non, vraiment, mais il faut dire que la communauté en estampe est une communauté qui est peut-être un petit peu plus petite que, par exemple, la communauté de photos ou même, je dirais, d'installation ou de peinture, pour citer d'autres exemples en art. Mais c'est vrai qu'il faut le maintenir. Puis on essaye de faire le plus possible d'interventions auprès de l'université pour dire aux étudiants, n'ayez pas peur de nous. C'est pas parce qu'on a une porte qu'on est fermée. Venez à la sortie de vos études. Vous avez une possibilité énorme de venir continuer à produire à moindre coût, surtout qu'on a des tarifs pour ce qu'on appelait la relève moins de 35 ans, même si maintenant la relève, on essaye de faire changer puis de dire... Bravo, bravo. Voilà, hein. Faut étendre. Exactement, il faut étendre. Arrêtons avec cet agisme, s'il vous plaît. Mais effectivement, on essaye d'aller chercher tout le temps un nouveau public parce que je pense qu'aussi par rapport à dans la population, il y a des artistes qui ne savent pas que nous existons, des artistes en estampe. Puis on essaye justement d'aller toucher le plus de public possible pour agrandir cette belle communauté, effectivement. Et c'est une pratique aussi, pour le peu que je connaisse certains sérigraphes ou des gens qui ont fait ça un peu, des arts qui sont un peu plus punk, transmission de personne à personne, beaucoup de DIY dans ton garage, dans ton sous-sol, mais en même temps, il se passe vraiment quelque chose quand tu vas pratiquer dans un atelier collectif. Exact, et je te dirais collectif et professionnel. Il y a vraiment deux aspects, c'est qu'effectivement, la sérigraphie de garage, c'est formidable pour des affiches, des petits t-shirts et tout, mais t'as tes propres limites au niveau des couleurs, au niveau des techniques, puis au niveau de ce que t'as appris et que tu peux développer par toi-même. Puis fais pas de gravure aux acides dans ton sous-sol. Merci de le mentionner. C'est une très mauvaise idée. mais effectivement, l'avantage de ces ateliers, c'est que les artistes ont accès à du matériel qui vaut des milliers de dollars, que tu pourrais pas installer dans ton sous-sol. Puis ce que tu le soulignes à l'instant, c'est collectif. Donc, il y a une telle émulation artistique. Quand un jeune artiste vient et travaille avec quelqu'un qui a une plus grande expérience et vice-versa, l'artiste un peu plus installé va apprendre énormément des erreurs de la jeunesse, des erreurs du débutant. Et il va y avoir ce mélange. Et puis, les ateliers sont collectifs, mais on a aussi un espace tout bête, un espace un petit peu cuisine ou de discussion qui permet aussi d'avoir... Durant les moments de pause, mais on vient à créer, à inventer de nouveaux projets lors de discussions. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un atelier collectif. Puis on a la chance d'avoir une chef d'atelier qui est présente 2 jours par semaine, qui permet aussi de venir poser des questions plus techniques. Et puis étendre un petit peu un savoir-faire, d'être accompagné, effectivement, parce qu'on a beau demander un certain niveau pour être membre, parce qu'effectivement, on a besoin d'une certaine autonomie dans les ateliers. On ne pourrait pas laisser quelqu'un faire un petit peu n'importe quoi avec notre matériel. Il est collectif. Mais ça permet quand même d'entrer avec un niveau de base, mais de continuer à s'améliorer au quotidien, je dirais. Ouais, développer sa pratique. Exact. La raison pour laquelle on t'invite ce soir, c'est que il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, vous avez communiqué un peu plus largement l'offre de formation, d'ateliers, de workshops qui est présentement accessible pour tout le printemps. Exact. Et c'est tellement diversifié et j'ai été très étonnée, surprise, admirative de la qualité des artistes que vous avez réussi à inviter comme pères qui forment leur père. Donc des artistes qui forment d'autres artistes. Exactement. En fait, ça c'est tout au long de l'année, on essaye de maintenir une programmation pour... je sais, on ne dit pas workshop, on dit atelier pour adultes, pardon. Mais je risque de glisser d'appeler workshop. Hein. Mais effectivement, on essaye de multiplier les techniques et puis de multiplier le public cible également. On essaye autant d'aller chercher du débutant qui n'a jamais pratiqué, un peintre, un sculpteur qui aurait le goût de se tenter d'aller vers de la sérigraphie ou de la gravure pour ajouter à sa pratique, pourrait entrer dans un cours de débutant. On a par exemple des ateliers tenus par Tania Girard-Savoie. Alors là, c'est pas au printemps parce que c'est un atelier qui a beaucoup, beaucoup de succès. Donc on essaye de limiter un petit peu, presque, pour le rendre plus rare. Mais donc, Tania, sur 3 jours, va enseigner la sérigraphie. Après ces 3 jours-là, t'es quasiment autonome en sérigraphie en atelier seul. On propose aussi donc différents niveaux, débutants, artistes déjà un petit peu plus avancés, puis vraiment niveau expert. Et on essaye aussi d'aller chercher différentes techniques où de plus en plus on essaye d'être dans l'air du temps avec tous les principes écologiques. Ouais. L'éco-responsabilité est un mot énorme qu'on a tous à la bouche ces derniers temps. Puis l'estampe est un petit peu un mauvais élève qu'on essaye de remettre sur le droit chemin. À cause des chimies, à cause de l'évacuation des produits chimiques après l'utilisation. Oui. C'est sûr que ça soulève beaucoup de questions. Mm-hmm. Néanmoins, c'est des pratiques qui sont à petite échelle. Oui, tout à fait. Donc, il faut peser les pour et les contre. Exact. Il faut mesurer. Puis, je trouverais ça quand même extrêmement dommage qu'on perde des techniques qui sont, pour la plupart, il y a des techniques millénaires, il y a des techniques vraiment extrêmement fines qui sont maîtrisées que par certaines personnes. Et j'ai pas le goût qu'on les perde parce que on aurait pu la possibilité de les enseigner ou que plus personne n'en connaissent la maîtrise finalement, mais c'est certain qu'il faut proposer une alternative quand même, parce qu'aujourd'hui avec certains nouveaux produits qu'on peut trouver sur le marché, on va être capable de maintenir des techniques ancestrales mais en utilisant beaucoup moins de produits toxiques, beaucoup moins d'eau, de produits toxiques et voilà. Mais ça c'est déjà un bon pas qui est fait dans la bonne direction. Et puis je vois dans votre offre de formation nécessairement avec Jocelyne Thibault. Oui. Avec même Cynthia Dinan-Minchel qui travaille sur l'argile. Oui. Il y a les nouvelles avenues d'exploration. Même si on continue pas à reproduire exactement le modèle, on réinvente à partir de ce qu'on construit sur les épaules des autres. En fait. Exactement. Et en plus d'avoir la chance d'avoir ces artistes, comme tu disais, de renom, je veux dire, Cynthia Dinan-Minchel, elle n'est plus à présenter à Québec, mais qu'elle vienne nous présenter finalement une sorte de crossover entre ce qu'on fait à la céramique, à la Maison des métiers d'art. Puis chez nous, à Engram, avec une impression sur de l'argile, c'est énorme. Moi, j'ai hâte de voir le résultat. On a aussi, effectivement, comme tu le disais, Jocelyne qui va venir travailler avec des encres fabriquées à partir de fleurs pour aller justement vers une sorte de nouvelle encre beaucoup plus raisonnable et co-responsable, encore une fois. L'impression en électro-etching avec Peyo et Lycérie, qui est une façon de graver sans acide vraiment complètement différente. Je ne me lancerai pas dans la technique de vous lire la fiche technique, parce que vous allez pouvoir trouver tout ça sur notre site internet. Oui. Et puis. Oui. Mais à la lecture de la description des workshops, ça donne le goût de s'investir. Oui. Ou en tout cas d'appeler ses amis sérigraphes et travailleurs de la gravure pour leur dire manquez pas ça parce que ça va venir enrichir vos pratiques. Exactement. Est-ce que je peux rajouter qu'on trouve toutes ces informations sur www.engram.ca? On a également un Facebook et un Instagram. Vous pouvez suivre notre actualité. Puis n'hésitez pas à venir voir l'exposition en ce moment, c'est Paul Cox. Très impressionnant. Une exposition magnifique. Un beau labyrinthe de carottés. Oui, exact. Dans le cadre de Manif d'Art 11 et jusqu'au 28 avril. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Nous, on se quitte en pause musicale avec une autre pièce du live au Saint-Angèle et on revient au retour de la pause avec une entrevue que j'ai faite avec Marie-Claude Gendron sur sa performance « Faire son lit, faire mon lit au lieu ». Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro sur le petit beat de jazz avec Mathilde Harvey-Morin dans le studio. On est bien, c'est le printemps. Et puis je suis très heureuse de vous partager des extraits d'une entrevue que j'ai menée avec Marie-Claude Gendron au sujet de sa performance de longue durée intitulée « Faire mon lit » qui est présentée au lieu Centre en art actuel dans le cadre de Manif d'art de la Biennale d'art de Québec de la 11e édition de cette biennale. L'expo Performance a commencé le 23 février dernier et elle dure jusqu'au 23 mars. Tous les jours, du mardi au samedi, entre 11h et 19h, Marie-Claude investit l'espace de la galerie pour y faire son lit, c'est-à-dire qu'elle fait et défait un immense lit dans des dimensions hors normes, un lit qui a d'ailleurs été fabriqué par l'artiste Mathieu Fecteau, ici de Québec, et les draps et le costume de performance que porte Marie-Claude ont été travaillés avec l'aide de François Rioux, un autre artiste de performance qu'on aime beaucoup, alors on les salue. Et je vous partage le premier extrait de l'entretien que j'ai fait avec Marie-Claude où elle nous parle de l'aspect performatif que plusieurs personnes trouvent exigeant, difficile, faire son lit pendant un mois, 8 heures par jour, et elle nous donne sa perception de notre regard posé sur sa performance. Donc, on parle avec des personnes qui le font dans des conditions qui ne sont pas les miennes. Comme, moi, je peux prendre des pauses quand je veux. Là, parce que, maintenant, je peux pas vivre à vous. Vous avez pas parlé ça. Comme, bon, dans le sens que les gens qui rentrent sont toujours très bienveillants. Ils ont une différence assez initiative. Donc, c'est que je prends des personnes dans mon contrat avec des personnes qui ont suivi des théâtres qui sont pas liées dans des conditions communes. J'en parle toujours, tu sais, dans les gens, mais c'est pas ouf, toi, je suis non, je suis vraiment pas atteinte. Puis c'était une action un peu pour, pas juste pour ça, mais qui révèle ce qui existe déjà. Que l'on considère pas comme un geste qui est noble, qui est beau, qui est esthétique, ouais. Qui mérite d'être vu. Oui, justement, on connaît ces personnes. La discussion donc rapidement versée dans le caractère politique du travail de Marie-Claude Gendron, plusieurs de ses performances ont eu plusieurs couches de lecture, dont certainement de ces couches-là qui visent à faire une critique ou à porter un regard amplificateur de certaines dynamiques de nos sociétés, notamment de notre ère post-industrielle. Je laisse Marie-Claude en dire davantage là-dessus. Ces trois approches qui sont toujours présentes, les actions qu'on va faire dans l'insigne sont nécessairement liées aux notions du privé qui est privé. Donc, ce qui m'intéresse dans mes projets, je sais que ces trois approches coexistent ensemble, mais comme j'ai dit, c'est pas du militantisme, le message n'est pas directement clair. Ça peut être sujet à l'interprétation, puis ça peut être aussi différents niveaux de lecture, comme quand quelqu'un rentre dans la galerie, voit mon action, on a commencé par ça, mais bon, pas nécessairement en partant de « Ah, c'est un travail qui a dénoncé, c'est comme, la dénonce en parle de ça, c'est clair, c'est parce que il y a des indices, mais en même temps, c'est, il y a beaucoup d'ambiguïté, parce que je sais que je fais, le mouvement que je fais très lentement, j'ai un ami de travail, en guillemets, mais c'est aussi un veston cravate, il y a aussi une lecture sur mon torse. Donc, ça me réfère un peu plus à la peau, puis à l'intimité, puis au pyjama. Mais si on s'y attend pas, on ne comprend pas nécessairement toutes ces subtilités-là. Donc, c'est pour ça que je pense que le travail est assez minimal, puis que tous les détails sont importants. Je vais travailler comme ça pour que ce soit pointu comme proposition. C'est que ce soit, il n'y a rien qui est simple. Oh, je vais mettre ça là, c'est pas grave. Je réfléchis beaucoup à tous les éléments qui sont présents dans la salle d'expo. les éléments auxquels Marie-Claude fait référence présents dans la salle d'expo. Il y a ce lit énorme, là, que dont j'ai mentionné, qui est construit en bois, qui est recouvert de plusieurs draps qui cachent du verre brisé. Donc, presque une tonne de verre brisé qui est déposé sur le lit. Jamais Marie-Claude ne s'allonge sur ce lit. Elle l'habille et le déshabille. Elle fait son lit et défait le lit constamment et va parfois laisser glisser la paume de sa main sur les tessons de verre présents là où devrait y avoir un matelas. Je lui ai posé les prochaines questions par rapport à l'aspect de longue durée. Du point de vue de la performeuse, comment elle se sent dans cette longue durée-là? Et ensuite, on va écouter un autre extrait qui nous donne l'offre qu'elle fait, le cadeau qu'elle offre au public en l'offrant une performance de longue durée. Il faut faire confiance au spectateur aussi, et puis même les gens ne sont pas familiers. Alors, c'est ça qui est intéressant au milieu, c'est qu'il y a tout le monde des tribunes qui donnent sur la rue. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent, qui sont en déviation, ou des annulations, des choses qui ont rien de passer des choses diables, c'est qu'il y a beaucoup de silence. Puis, je pense qu'il y a ça les brusque, puis on va les brusquer parce que c'est quand même grand lit, puis eux, on va passer un lit. D'immobilité, puisque je restais immobile dans souvent des lieux où il y avait beaucoup d'actions autour. Comme à Val-d'Or, c'est ça, à la mine? C'était à Malartic. Malartic. Ouais, il y avait ça, puis apparemment j'avais fait des occupations seules dans les villes où les projets de construction, puis je restais là dans les lieux après fonctionnalistes, puis comme à Montréal, c'est quoi aussi, puis j'étais restée immobile là. Marie-Claude a terminé sa phrase en disant « incarner l'espace » et puis tout de suite, elle a eu un doute par rapport à la justesse de son propos. Mais en tout cas, moi, je considère que c'est une façon tout à fait juste d'exprimer sa présence, la qualité de sa présence et comment elle révèle les dynamiques d'un endroit, de l'endroit où elle se pose pour performer. J'aimerais partager un dernier extrait de notre entretien où Marie-Claude nous partage tout ce qu'il y a à savoir sur une publication, un livre d'art qui accompagne ou en tout cas qui est aussi une production qu'elle offre parallèlement à sa performance Faire mon lit. Ce sont les cahiers de nuit qu'elle a rédigés pendant une longue période et qui reflètent bien la profondeur des réflexions qu'elle a fait sur le sommeil dans notre ère post-industrielle. L'automne 2023, l'écriture 2024, j'avais une table proche de mon lit avec des pages déjà préparées pour chaque. Parce que je dis, ah oui, c'est pas ton lit. Mais j'ai fait un commentaire aussi sur après l'industrialisation. le sommeil était comme une formaté par travailler 8 heures par jour. Il fallait que le corps avec des conditions de travail exigeantes. C'est comme arriver jusqu'à te dormir 8 heures par jour. Donc, pour que ton corps récupère et soit le plus positif possible, c'est comme devenir un chien qui vraiment arrive après une industrialisation. Parce qu'avant, il y a un livre de Robert Kirkish, qui a fait une recherche sur les journaux intimes, des recherches historiques dans les archives, tout ça, avant cette époque-là, que les gens devaient être leur sommeil et aller faire des personnages. Il y avait un sommeil vraiment fragmenté. L'humain n'avait pas vraiment des choix par jour. Donc, Alors, la référence qu'elle nous donnait est de Roger Ekirch, qui est un historien qui a publié un livre de référence important sur l'histoire du sommeil à travers l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord. Marie-Claude Gendron est présentement en performance ce soir jusqu'à 19h et tous les jours de 11h à 19h jusqu'à samedi au centre en art actuel. Passez la voir par la fenêtre ou osez entrer dans l'espace de la galerie, vous y verrez ces cartes de punch qui sont clouées au mur, qui dénotent toutes les heures auxquelles elle a travaillé à faire son lit, et vous pouvez prendre le temps de vivre cette expérience avec elle. On va en pause publicitaire et ensuite en pause musicale. Et au retour de la pause, on parle de l'exposition Tremblement à Critérium avec les 4 céramistes invités. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, en studio avec Mathilde Harvey-Morin à la console, et je suis rejointe par 4 femmes céramistes en studio, on n'a jamais vu autant de monde en même temps, c'est génial. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Là, pour gérer une entrevue à 4, je vais faire de mon mieux. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être vous présenter l'une après l'autre. Peut-être brièvement votre démarche et puis votre nom. Et puis ensuite, on pourra parler des expos qui vous réunissent. Est-ce que ça vous irait? Tout à fait. Oui. On commence par Catherine Valois. Oui. Alors, bonjour. Ma démarche, résumée en très peu de mots, je suis céramiste de métier, mais plus récemment, j'ajoute du papier, de l'écriture aussi à mon travail. Puis, j'essaie d'amalgamer tout ça, de faire des alliages. C'est plutôt exploratoire, là, comme travail, ce que je fais. Puis je travaille surtout sur la pérennité, l'usure, ce genre de concept. Ah, c'est très beau. Ouais. Merci Catherine. Bienvenue. À ta suite, ce serait Maggie qui pourrait se présenter. Oui. Bonsoir. Oui. Je suis artiste céramiste. Mon nom est Maggie Jalbert. Ma démarche s'articule beaucoup autour de du territoire que j'occupe. J'habite à l'île d'Orléans, donc je suis vraiment influencée par la nature qui m'entoure, que ce soit le boisé ou le fleuve, évidemment. Je suis vraiment très captivée par tout ce qui se passe dans les processus de cuisson, l'influence qu'apporte le feu sur les matériaux céramiques, sur l'argile. Donc, il y a beaucoup d'exploration qui fait partie de ma démarche. Mais une maîtrise, une exploration maîtrisée, en tout cas. De mon œil de spectatrice, ça a l'air, vous avez l'air d'avoir une maîtrise aussi de ces techniques-là, puis de l'aventure. Oui, ben la maîtrise s'acquiert avec la pratique, je dirais, là, et plusieurs expérimentations, disons. Oui. On continue avec Joanne Gauthier. Bonsoir, Joanne. Allô, moi, c'est Joanne Gauthier. Je suis céramiste et peintre. Ma démarche s'oriente sur la revalorisation, j'appelle le matrimoine, pour donner un peu une égalité dans ça, parce qu'on parlait toujours du patrimoine, mais chez moi, c'est les femmes qui s'en sont occupées de le transmettre. Ça m'intéresse beaucoup. Je travaille la porcelaine et je récupère des objets justement du matrimoine matériel pour les intégrer, de l'argenterie... Des petites choses que je récupère, même du patrimoine religieux, là. Je récupère ça, puis j'intègre ça dans ma démarche. Une deuxième vie pour des objets? Oui, une deuxième vie aussi pour aussi... Vu que je travaille sur la mémoire, je commence aussi à les retravailler autrement. Je les brise, je les déforme, je les fais fondre. Puis ça m'amène aussi à la perte de mémoire. Fait que c'est tout travaillé dans cette optique-là. Ah, c'est riche. Merci d'être là. On termine avec Catherine Lebel. Bonsoir, Catherine. Salut. Alors, comment qu'on parle de ta démarche? Moi, j'ai une pratique aussi en photographie et en céramique. Ma démarche, en fait, moi, je m'intéresse énormément au minéral, qui est comme aussi la base de la céramique. Là, c'est des matériaux minéraux. Puis, donc, tout ce qui est attrait aux roches puis à la croûte terrestre, mais aussi à toutes les espèces de petits organismes qu'on voit pas beaucoup dans la forêt, là, tout ce qui est lichen, la mousse, tous ces petits trucs-là qui passent inaperçus quand on fait de la rando puis qu'on voit pas beaucoup, mais j'aime beaucoup m'intéresser à ça, regarder puis à travers mon travail, le magnifier puis l'interpréter, en fait, pour le recréer principalement en céramique. Ça nous amène, ça nous transporte dans d'autres mondes parce que tu utilises des textures puis des couleurs aussi qui nous transportent ailleurs que dans la forêt ou boréale. Oui, vraiment, en fait. Mon inspiration à part de là, puis c'est vraiment à partir de ça que je travaille, mais tu sais, c'est vraiment d'aller rechercher comme les couleurs puis de transformer ça en d'autres choses puis de créer des nouveaux organismes, en fait, puis des nouveaux petits bidules, des nouvelles choses qui sont aussi amusantes aussi puis qui sont très curieux puis que ça va créer vraiment des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Puis c'est un peu cette curiosité-là que j'ai le goût d'amener. Mais on reconnaît, la façon dont on parle, on reconnaît ces formes-là, en fait, biomorphiques, mais à la fois pourraient être extraterrestres. Oui, vraiment. Oui, vraiment. J'aimerais savoir, je ne sais pas qui va prendre la question, mais qu'est-ce qui vous a réunis? Est-ce que c'est l'invitation de Manif d'art? Est-ce que vous aviez déjà des liens qui unissaient vos pratiques d'atelier ou d'apprentissage? On me regarde, donc je vais intervenir. Oui, en fait, on s'est connus à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, on a étudié, on s'est croisés, en fait, au département de céramique. Là. Donc, on s'entendait bien. Puis, on dirait qu'il y a comme un lien qui nous a unis naturellement, je dirais. Là. Donc, on s'est mis à s'allier pour postuler à des appels de dossiers. Uh-huh. Puis, ça nous a amené à faire plusieurs expos. Là, on en est à notre troisième ensemble. Oui. Donc, quatrième, ouais. Et donc, c'est ce lien-là qu'on a tissé ensemble, ça amène vraiment une richesse, je dirais, dans nos échanges. Puis on arrive à partager aussi, parce que c'est des fois d'être tout seul dans notre atelier, là, ça, c'est le fun de partager ce qu'on vit, bref, puis de... Voilà, d'enrichir notre travail en échangeant. Puis de proposer des expositions en collectif aussi, ça soulage en quelque sorte tout le poids de cette charge administrative-là, de prise de risque aussi, d'investissement, de temps, de ressources à monter des expos alors qu'on n'est jamais certain du résultat. Oui, vraiment. En plus, tu sais, quand on monte des expos, souvent c'est parce qu'il y a eu des appels de dossiers avant. C'est très, très laborieux comme processus. Là. C'est tout le temps beaucoup de documents envoyés. Donc, on se partage cette tâche-là. On se partage... L'espace aussi, oui. Là-bas, parce que ça demande beaucoup de pièces. Mm-hmm. Dans certains espaces, en étant quatre, la charge de travail est moindre. Ça nous permet d'élaborer des pièces peut-être plus relax, moins stressé. Oui, puis de faire confiance à sa recherche aussi. Des fois, oui. Avec la pression d'une expo, oui. On pourrait beurrer épais pour remplir l'espace. Mais là, vous pouvez reposer les unes sur les autres. Oui, vraiment. C'est ça. Oui. Quelle belle richesse. Et qu'est-ce qui vous a... Manif d'art vous a invité à faire deux expos en même temps. Est-ce que ça, c'est une invitation rare de monter deux shows en même temps? En tout cas, moi, ça m'a paru beaucoup. En effet. Comment ça s'est passé? Nous aussi, au final, je trouvais que c'était pas mal. C'était un peu un hasard, le fait qu'on soit à deux endroits pour la manif. Parce qu'à Saint-Nicolas, ça faisait pas partie du circuit. Ça a été... Ils les ont invités... puis ils ont décidé de nous intégrer dans le circuit. Fait que ça a été une belle opportunité. Ah, mais ça, c'est une pierre deux coups à ce moment-là. Oui, vraiment. Ah, je comprends. Mm. Bon, ben tant mieux si Manif a tendu le bras pour embrasser cette expo-là qui était déjà à votre horaire, finalement. Exactement. Oui. Ah, puis l'espace culturel du quartier de Saint-Nicolas, c'est une maison patrimoniale avec des pièces différentes, donc ça donne un look vraiment différent de ce qu'on voit à Critérium, qui est plus proche du White Cube ou de la galerie privée contemporaine qu'on connaît. Là. Oui, vraiment. Ça n'a pas le même genre d'architecture non plus. Mm. La maison patrimoniale, tu sais, il y a les fenêtres, le plancher, il y a tout ça qu'on retrouve là, de l'ancienneté du lieu qui crée autre chose avec les pièces complètement. Puis c'est dans quatre espaces différents dans la maison, là. C'est au deuxième étage, ça rend ça super intéressant. Effectivement, c'est vraiment différent de Critérium, fait que je pense que... Ça permet aussi de diviser les pièces. Dans une pièce, il va y avoir Maggie et moi, dans l'autre, ça va être les deux Catherine. Après ça, dans la grande pièce, on est tous ensemble. Ça permet des agencements qui sont intéressants. Des dialogues entre vos pièces. Mm. Est-ce que le public a beaucoup de questions pour vous? Est-ce que les gens, par rapport à... Je me demande tout le temps si les arts matériels en galerie finissent par créer une relation de plus de proximité avec le public. Si les gens se sentent plus aptes à dire « Ah, oh, c'est beau, comment tu fais? » Parce qu'il y a tout ce rapport-là à la proximité des matériaux. On a tous un lien avec la céramique, que ce soit par les usages domestiques ou Maggie aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. tout à fait. Je pense que tu as raison. Je pense que je vois d'abord beaucoup plus le dialogue qui s'installe avec les personnes qui viennent visiter ou qui sont face à nos œuvres, oui, par leur questionnement ou leur intérêt ou essayer de comprendre comment c'est fait, là. Comment c'est fait? C'est souvent la question qui revient. Comment tu fais ça? Comment ça se peut, cette texture-là, cette couleur-là? Mais oui, mais vos œuvres dégagent de la magie aussi, de la poésie puis de la magie. Moi, je pense à la tour, là, l'espèce de longue pièce qui le est dans... Le Bataclan. Le Bataclan en vitrine du Critérium. C'est vraiment un petit tour de force, en tout cas. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances techniques en céramique, mais elle impressionne beaucoup dans le savoir-faire. Merci. C'est un tour de force, effectivement. Oui, effectivement. Je le savais pas avant de le faire. Mais je pense qu'en ayant les connaissances techniques, c'est d'autant plus impressionnant, je pense. Oui. Quand tu sais comment c'est fait, c'est d'autant plus impressionnant, cette pièce-là. Bon. Alors, les deux expositions, on invite le public à aller les voir. C'est en montre jusqu'au 28 avril, comme le reste de la manif. À l'espace culturel du quartier, c'est jusqu'au 28 avril, à Critérium. Le 31 mars. Ah, c'est plus court parce qu'eux sont plus bookés. Bon, ben au moins, vous aurez eu un accès grand public avec des fenêtres pignon sur rue. C'est quand même une très belle expo. Je vous félicite. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. On part en pause musicale. Au retour de la pause, on fait l'agenda de la semaine. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. C'est maintenant la fin de l'émission, on va faire l'agenda de la semaine. Agenda qui a été préparé par mon acolyte Mathilde Harvey-Morin à la console et DJ pour ce soir. On commence l'agenda cette semaine avec une opportunité de vernissage ce jeudi, le 21 janvier. C'est à partir de 18h que l'exposition Labyrinthe, expérience des méandres sera présentée au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Depuis 2016, le comité d'exposition des étudiants en histoire de l'art de l'Université Laval organise une expo collective qui priorise les artistes étudiants en baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Pour l'édition 2024, ce sont Sarah Bourque et Laurence Duchesne, et toutes deux étudiantes en deuxième cycle en histoire de l'art, qui agissent en tant que co-commissaires. Le choix du thème « Labyrinthe et expérience des méandres » est issu d'une réflexion sur la surcharge de stimuli qui caractérise notre époque. Dans ce tourbillon d'informations, nous perdons le fil de nos pensées, le piste de réflexion se brouille et on s'égare dans les dédales des opinions, des faits et des croyances provenant de toutes les directions. On est tous conviés au vernissage qui se déroulera dans une ambiance musicale agrémentée de vin ou de mou de pomme. La soirée sera également ponctuée d'une performance à 19h30. Je vais vous lire le nom des artistes qui font partie de l'exposition pour le grand plaisir de entendre leur nom en onde. D'abord, Audrey Coteau, ensuite Camille Duchesne, Claudia Bérybé, Coco Bélanger, Damien Chécoury, Frédéric Harvey, Isabelle Kenny-Robichaud, Julia Durand-Lot, Lana Greben, Léane Lefebvre, Magali Boisvert, Morane Paradis, Sama Saïdi, Sam Bélanger. Et je rappelle le nom des co-commissaires, Sarah Bourque et Laurence Duchesne. Donc c'est un rendez-vous à l'Université Laval ce jeudi 18h. Toujours ce jeudi 21 mars, c'est au centre Sherpa, juste avant, en fait, dès 17h, que se présente l'exposition collective Sommeil sans rêve, qui est une suite à leur atelier de création au cours des dernières semaines. L'atelier était aussi intitulé Sommeil sans rêve. C'est un atelier qui évoquait l'intimité silencieuse et méditative de la nuit, un espace où l'absence de rêve devient une toile blanche où tout est possible. L'événement est publicisé sur Facebook. On peut aller s'y informer, mais sinon, c'est sur Sherpa. C'est au centre Sherpa sur Charest, dans Saint-Roch. Enfin, ce vendredi 22 mars, c'est cette journée que se clôture, c'était l'édition du Mars de la maîtrise aux ateliers du roulement Abeille. On est convié à joindre les étudiants dès 16h30 pour une session d'atelier ouvert, un vernissage et un encan silencieux à partir de 19h. Ce sera l'occasion d'échanger avec les étudiants et étudiantes et de venir visiter leurs espaces de travail, mais aussi de voir et peut-être même d'acheter, de nous procurer des œuvres inédites. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Aérospatiale, hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web laérospatialecKRL.wordpress.com, prochainement aussi sur Spotify, SoundCloud et vos plateformes de balado-diffusion préférées. On vous invite également à suivre les pages Facebook et Instagram de l'Aérospatiale pour vous tenir informé de la date à laquelle les hyperliens de balado-diffusion sont disponibles en ligne. Un grand merci à nos invités Anne-Sophie Homer, Marie-Claude Gendron, Catherine Valois, Catherine Lebel, Joanne Gauthier et Maggie Jalbert. Un grand merci à toi, Mathilde, pour cette émission et on se dit à la semaine prochaine!